J'ai les factures, j'ai les impôts. Joli cadeau. J'ai les blessures d'un Roméo. Cœur artichaut. J'ai la torture de la rhino. Pharyngite, c'est pas rigolo. Mais aussi, bien sûr, tes défauts. Hier soir, un peu par hasard, j'ai poussé le bouton de la télévision. Sidéré, mille enfants derrière mon écran, affamés, décimés, mourants. Somalie, Gaza, Afghanistan, Rwanda, Arménie, Croatie, Iran. Aujourd'hui comme après la pluie, amnésique, ma compassion s'évanouit, pathétique. Éteignez vos télévisions, ignorez la désolation, et revenons à nos moutons, et redevenons des moutons. J'ai les factures, j'ai les impôts, joli cadeau. J'ai les blessures d'un Roméo, cœur artichaut. J'ai la torture de la rhino, pharyngite, c'est pas rigolo, mais aussi bien sûr.